Et voici ces titres. Réunis à Riyad, les pays du CCG réaffirment leur position constante soutenant la marocanité du Sahara ainsi qu'au plan marocain d'autonomie dans le cadre de l'unité et de la souveraineté du Royaume du Maroc. Le Royaume du Maroc condamne et dénonce vigoureusement la prise pour cible de civils palestiniens qui attendaient de recevoir des aides humanitaires à Gaza, faisant des dizaines de morts et blessés. Et puis les négociations reprennent en Égypte sur une possible trêve pendant le Ramadan où les bombardements meurtriers se poursuivent. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Conseil de coopération du Golfe et le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bouleta, se sont réunis dimanche au siège du secrétariat général du Conseil dans la capitale saoudienne, Riyad. Ces ministres ont réaffirmé les positions et les décisions constantes du Conseil suprême du CCG soutenant la marocanité du Sahara et la préservation de la paix et la sécurité du Royaume du Maroc ainsi que sa souveraineté pleine et entière sur son Sahara. Et puis ces positions constantes soutenant également l'initiative d'autonomie comme seule solution au conflit du Sahara dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité nationale et territoriale du Royaume du Maroc ont été réaffirmées. Et c'était à l'issue de la séance de travail conjointe qui a réuni donc, dans la capitale saoudienne, Riyad, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidents à l'étranger, et avec leurs Altesses et Excellences, les ministres des Affaires étrangères des pays du CCG. Et lors de cette réunion également ministérielle de Riyad, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe a par ailleurs salué l'initiative africaine atlantique lancée par Sa Majesté le Roi au profit des États du Sahel, une initiative qui permettra de renforcer la coopération entre les États du Sahel et ceux de la façade atlantique. Et puis le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bouleta, a relevé en marge de cette réunion que les relations excellentes entre le Maroc et les pays frères du CCG sont basées sur les liens de la fraternité sincère liant Sa Majesté le Roi et ses frères, leur Majesté et leurs Altesses et Excellences, chefs d'État du Golfe. Nasser Bouleta a également noté que les relations de coopération et de concertation entre les deux parties constituent un modèle à suivre dans les relations arabo-arabes, les propos du chef de la diplomatie marocaine. Les relations étrangères marocaines ont toujours été caractérisées par les liens profonds et fraternels qui expriment la communication et l'interdépendance fraternelle entre Sa Majesté le Roi Mohamed VI et leur Majesté les rois et princes des pays du Golfe. Ces relations constituent un modèle honorable caractérisé plutôt par une coordination totale, que ce soit au niveau bilatéral avec chacun de 6 pays du Golfe ou au niveau multilatéral dans les forums arabes. Aujourd'hui, il existe une opportunité, une fois ce partenariat atteint un degré de maturité, de développer son cadre institutionnel, ses mécanismes de travail et son contenu stratégique, ce qui fera l'objet de cette réunion. Voilà, c'était les propos donc du chef de la diplomatie marocaine en marge de la réunion du CCG à Riyad. Et en marge de cette réunion déjà, le Royaume du Maroc et le secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe ont signé un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine culturel. Ce mémorandum d'entente signé par Nasser Bouleta et le secrétaire général du CCG procède de la volonté commune de raffermir les liens de fraternité et de coopération fructueuse entre les deux parties et de développer en particulier la coopération dans les domaines culturels et civilisationnels. Le Maroc, dont Sa Majesté le Roi Mohamed VI préside, le comité Al-Quds condamne et dénonce vigoureusement la prise pour cible par les forces israéliennes de civils palestiniens qui attendaient de recevoir des aides humanitaires au nord de la bande de Gaza, faisant des dizaines de morts et des centaines et des centaines de blessés. C'est ce qu'a affirmé depuis Riyad le ministre Nasser Bouleta, tout en soulignant son rejet absolu des violations du droit humanitaire international Le Maroc appelle à une enquête indépendante et transparente sur cet acte abject et à punir ceux qui en sont responsables, a indiqué Nasser Bouletta. Le chef de la diplomatie marocaine a en outre réitéré l'appel pressant de Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, à la communauté internationale en vue d'intervenir en toute urgence pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, durable et global, assurer l'acheminement fluide des aides humanitaires aux Palestiniens et garantir la protection du peuple palestinien. En près de 5 mois d'une guerre dévastatrice dans la bande, les opérations militaires israéliennes déclenchées en représailles ont fait 30 410 morts, en majorité de civils. Et puis, selon le ministère de la Santé du Hamas. Par ailleurs, la vice-présidente américaine Kamala Harris a appelé dimanche à un cessez-le-feu immédiat pour au moins 6 semaines dans l'enclave. Benny Gantz, influent membre du cabinet de guerre israélien, rencontrera aujourd'hui à Washington les dirigeants américains pour évoquer justement un cessez-le-feu temporaire et la nécessité d'accroître considérablement l'aide humanitaire à Gaza. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a de son côté affirmé qu'il est impératif d'augmenter le flux d'aide vers Gaza. La population a un besoin urgent de nourriture, d'eau et d'autres formes d'assistance. C'est pourquoi les États-Unis s'efforcent d'acheminer davantage d'aide par tous les moyens disponibles, y compris les largages aériens, a-t-il dit. Plusieurs pays de l'OPEP prolongent leur coupe dans la production de pétrole. Riyad et Moscou, piliers de l'alliance OPEP, des pays exportateurs de pétrole, ont annoncé, avec d'autres membres, prolonger leur coupe volontaire jusqu'à mi-2024 pour soutenir des cours minés par l'incertitude économique. L'Arabie Saoudite va continuer de sabrer son volume d'1 million de barils par jour pour la période d'avril à juin, selon son ministère de l'Énergie. La Russie a également fait état d'une extension à hauteur de 471 000 barils par jour, portant à la fois sur la production et les exportations. Dans les deux cas, ces mesures s'ajoutent à la réduction de 500 000 barils annoncée en avril 2023 et qui court jusqu'à fin de cette année 2024. Au sein de l'OPEP, d'autres pays leur ont boité le pas, ils vont resserrer les vannes 3 mois de plus, comme l'Irak, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et le Kazakhstan. Et c'est la fin de ce 7 heures. À vous, merci de l'avoir suivi.